بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جاء عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي شيء يقوله المرء عند منامه. Il a été cité dans le Sahih d'Ibn Hibban que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé: qu'est-ce que l'homme doit dire au moment de se coucher? Que doit-il réciter au moment de se coucher? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Ikra qul ya ayyuhal kafirun. Il a dit: récite qul ya ayyuhal kafirun. Puis dors lorsque tu finis la lecture de celle-ci, la lecture de cette sourate. فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. Car cette sourate est un désaveu du polythéisme. وَهَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَهَمِّيَةِ هَذِهِ السُّورَةِ وَأَهَمِّيَةِ فَهْمِهَا. فَإِنَّ الشَّارِعَ يَحُثُّنَا عَلَى قِرَاءَةِ هَذِهِ السُّورَةِ يَوْمِيًّا. Et donc ce hadith est une preuve qui montre l'importance de cette sourate, sourate Al-Kafirun, et l'importance quant au fait de comprendre cette sourate. Car certes, le législateur, il nous incite à réciter cette sourate de façon journalière, tous les jours. Il nous incite à la réciter tous les jours. وقد علمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا هذه السوره في ركعتي سنه الفجر وكذلك ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات المسنونه. Et certes, vous savez que le prophète صلى الله عليه وسلم il récitait cette sourate, donc Al-Kafirun, durant les deux unités de la sunna du fajr, et aussi la prière, les deux unités qu'on fait après le tawaf, et autres que cela parmi les actes d'adoration surérogatoires. فَهَذَا يَحُثُّنَا أَيُّوَ الْإِخْوَةِ عَلَى فَهْمِي وَتَدَبُّرِ هَذِهِ السُّورَةِ. Et donc cela nous incite, ô chers frères, à faire qu'on comprenne et qu'on médite sur cette sourate. فَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ أَمْرٌ مُهِمٌ. Et donc le fait de se désavouer du polythéisme, ceci est un sujet important. ولا يكفي ان يقول المرء الحمد لله انا لا اشرك بالله الحمد لله ولا يهمه ما وقع فيه من ما ولا يهمه ما وقع فيه الناس من الشرك. Et donc il n'est pas suffisant que la personne elle nous dise alhamdulillah, moi je fais pas de polythéisme, et qu'en même temps cette personne n'accorde pas d'importance au fait que les gens autour de lui sont tombés dans le polythéisme. Non, cela n'est pas suffisant. La Buddha minet dawa ila tawhid. Il est impératif d'appeler au tawhid. Wal bara'a minet shirk. Et de se désavouer, de mettre en garde contre le polythéisme. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wal ladhina ma'a. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Certes, vous avez un bon exemple chez Ibrahim et ceux qui sont avec lui. Lorsqu'ils dirent à leur peuple: certes, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Celui qui rejette le tarout c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Celui qui rejette l'adoration du tarout et qui croit en Allah se sera accroché à la lance la plus forte. Et donc il est impératif d'avoir les deux ensemble, le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et de se désavouer du polythéisme. Allah tabaraka wa ta'ala qui commence cette sourate après la basmala et qui dit: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Dis « Oh, vous les incroyants, je n'adore pas ce que vous adorez. » El-Kafiroun, et donc les incroyants de façon générale, juifs, chrétiens, bouddhistes ou autres, « je n'adore pas ce que vous adorez. » Fabara'atun minashirki, bara'atun fidzahiri walbatin. Et donc ceci est un désaveu du polythéisme, et c'est un désaveu qui est fait de façon apparente et cachée. Dit, c'est un désaveu qui est fait de façon apparente et cachée. Tu ne restes pas là à cacher ton islam. Non, moi, alhamdoulilah, je suis musulman, j'ai pas besoin de dire aux gens, pas besoin de montrer aux gens, pas besoin d'appeler les gens à adorer Allah seul. Non, il faut que tu leur dises, ce que vous faites est un égarement. Ça mène au feu, il faut appeler les gens à la vérité. Et donc après cela, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wala antum abiduna ma a'bud » et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. « Qul ya ayyuhal kafirun » dit « Oh vous les incroyants, la a'budu ma ta'budun » je n'adore pas ce que vous adorez. « Wala antum abiduna ma a'bud » et vous n'êtes pas adorateurs de ce que moi j'adore. فهذه الآية فيها أن المشركين لا يعبدون الله. Il y a dans cette sourate le fait que les polythéistes n'adorent pas Allah. Taïb, il y a des versets dans le Coran qui montrent que les polythéistes adoraient Allah. Tabaraka wa ta'ala. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Lorsqu'ils montaient sur les navires, sur les bateaux, ils accordaient à Allah un culte exclusif. Ils l'adoraient lui seul. Lorsqu'ils sont sur les bateaux, ils ont peur. Lorsqu'il les sauve et les amène jusqu'au large, jusqu'à la terre ferme, alors ils lui accordent des associés. Et donc, les polythéistes, ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala en plus de leur fausse divinité. Il y a aussi la parole d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il dit, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala dit wa id qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Et lorsqu'Ibrahim a dit à son peuple, certes je me désavoue de ce que vous adorez, de tout ce que vous adorez, exception faite d'Allah, exception faite de celui qui m'a créé, car il va me guider. Et donc il dit, je me désavoue de ce que vous adorez. Exception faite de celui qui m'a créé. Et donc on affirme ici, on comprend ici que les polythéistes, ils adorent leur divinité, mais ils adorent aussi Allah tabaraka wa ta'ala. Enfin, comment est-ce qu'on fait pour comprendre ce verset de Surat Al-Kafirun? Ici, Allah tabaraka wa ta'ala qui ordonne à son prophète de dire « Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun » je n'adore pas ce que vous adorez. « Wa la antum abiduna ma a'bud » et vous n'adorez pas ce que j'adore. Alors, comment on fait? Tu as des témoins de Jéhovah qui viennent chez toi et se posent à la maison. Hein? Tu leur dis, tu dis « Ah, aujourd'hui je sens, mashallah, j'ai bien révisé. » On a bien révisé la série là pour répliquer aux chrétiens. Allez, venez, tu les invites. Ils se posent à la maison. Directement, ils viennent à toi comme ça. Ils te disent, vous dites qu'on n'adore pas. C'est bizarre. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Il y a des contradictions dans votre livre ou pas? Comment tu réponds? إذن هذه العبادة التي يقومون بها لا تقبل. Le fait qu'ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala, cet acte d'adoration n'est pas accepté venant d'eux. L'acte d'adoration qu'ils font pour Allah n'est pas accepté parce qu'ils font du polythéisme à côté. Allah azza wa jalla qui dit à son prophète la in ashrakta layahbatanna 'amaluk wa litakunanna min al-khasirin. Si tu fais du polythéisme, tes œuvres deviendront vaines et tu feras partie des perdants. Et donc le fait qu'ils adorent Allah en plus de leur divinité, cela ne leur est pas profitable. Et donc ce n'est pas un acte d'adoration. Comme on a vu dans Qawaid al-Arba'a, « Inna al-ibada la tusamma ibadatan illa ma'at-tawhid » L'acte d'adoration n'est appelé adoration qu'avec le tawhid. Qu'avec le tawhid. C'est-à-dire que l'acte d'adoration n'est accepté, il n'est valable, il n'est correct qu'avec le monothéisme pur. Et donc voilà comment il faut comprendre donc ce passage, ce verset, il faut le comprendre correctement. Et aussi après cela, Allah tabaraka wa ta'ala, donc il dit, il ordonne à son messager de dire وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Et je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, de ce que vous avez adoré, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Donc on va répéter. Dis, ô vous les incroyants, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Et je ne suis pas adorateur de ce que vous avez adoré. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Et donc, ici, ikhtalafat al-ulama, les savants, ils ont divergé. Certains, ils ont dit que Allah Azza wa Jal karrar al-kalam min bab al-ta'kid. Certains savants, ils nous disent que Allah, il a répété la parole pour appuyer cela, pour appuyer le fait que ces gens-là, ils n'adorent pas Allah tabaraka wa ta'ala et le prophète, ils n'adorent pas leur divinité. D'autres savants, ils disent, ils disent, les formulations de phrases ont changé. Et donc ici, ce n'est pas du tout le même sens. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى اسْتَعْمَلَ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى الْفِعْلِ وَفِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَ الْإِسْمِ ou code you call el wasf. Allah tabaraka wa ta'ala, il a utilisé lors de la première phrase, il a utilisé un verbe. Dans la deuxième, un nom, une caractéristique. Donc, kul ya ayyuha al-kafirun la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Là, on a un verbe. Dans la deuxième, wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Et je ne suis pas adorateur de ce que vous avez adoré. Et donc, on a ici deux formulations différentes. Voilà pourquoi certains ulémas, ils nous disent « Arada fil oula nafiel fial »« Aï fial al-ibada anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam la ya'budu alihat al-mushrikin » Dans la première, dans le premier verset, il voulait rejeter l'acte, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'adore pas les divinités des polythéistes. وَفِي الثَّانِيَا الْوَصْفُ أَنَّهُ لَا يُوصَفُ بِذَلِكُ وَلَا يَقْبَلُهُ لَا يَرْضَاهُ لَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْمَاضِي وَلَمْ يَفْعَلْهُ فِي الْمُسْتَقْبِلِ. Et donc, ici, dans la deuxième phrase qu'on vient de voir, il y a le fait que, la caractéristique, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas décrit comme autant, il n'est pas décrit comme tel, on ne dit pas qu'il adore les divinités des polythéistes. Et il ne l'a pas fait dans le passé. Et il ne le fera pas dans le futur. Et donc ça, c'est important de faire la distinction entre les deux. Il y a plusieurs avis. Attention, hein, j'ai cité que ces deux avis-là. Mais il y a plusieurs avis dans le sujet. De la même façon, le verset qui vient après. « Wala antum abiduna ma abud » Et vous n'adorez pas. Vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Et donc ici, le fait que les polythéistes, on ne les décrit pas comme tel, on ne peut pas dire que ces gens-là, ils adorent Allah. Alors qu'ils le font. Mais on ne va pas les décrire comme étant des adorateurs d'Allah. Ils adorent Allah en plus de leur divinité. Mais on ne va pas les décrire comme étant des adorateurs d'Allah. Et donc ça, c'est important. Il est important de bien comprendre ce passage. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il cite le dernier verset de cette sourate. Il dit, « Lakum dinukum wa liyadin. À vous votre religion et à moi la mienne. » À vous votre religion et à moi la mienne. هل المعنى أن المشركين يكررون على شركهم وعلى كفرهم؟ Est-ce qu'il est voulu par là que les polythéistes, on doit être d'accord, on doit les laisser sur leur mécréance et leur polythéisme? Là. Non. عليك أن تدعوهم. Tu dois les prêcher. Tu dois les appeler à la religion de vérité. لَكِنَّكَ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ. Cependant, toi, tu ne peux pas les forcer. Alors, lakum din ukum waliya din, vous avez votre religion et moi la mienne. Je ne peux pas vous forcer. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. On ne peut pas dire tout le monde est libre, etc., etc. Non ! Est-ce que tout le monde est libre ? Oui, ça veut dire, oui, tu as le choix. Tu as le choix, on ne t'a pas forcé. Mais est-ce que cette liberté que tu as, est-ce que ce libre arbitre que tu as, il fait que tu n'es pas jugé après dans l'au-delà ? Non, tu seras jugé. Tu seras jugé. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, « قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا » Dit la vérité vient de votre Seigneur. Celui qui veut qu'il croit, et celui qui le veut qu'il m'écroit. Certes, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les entourent. Et donc, ceci est une menace, la tahdid. C'est une menace. La koumdine ou koumwa liadine. À moi, ma religion, à vous, la vôtre. On verra plus tard. Kemetadine ou touden. On verra plus tard. Et donc, on ne comprend pas ici, aux chers frères, qu'il faut laisser les gens comme ça. Ah, c'est pas grave. Ah, si. Non. Il faut appeler les gens à la vérité. Après, tu ne peux pas les forcer. On ne dit pas, il faut les forcer. Non. Tu dois appeler les gens à la vérité. Ensuite, s'ils ne veulent pas, lakum dinukum waliya din. Mais on ne les laisse pas comme ça en prétextant que non, chacun est libre, etc., etc. Ça, c'est une fausse croyance. Puisque la liberté qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé de choisir, c'est men sha'a falyu'min wa men sha'a falyakfur. Il nous a donné le choix, celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il m'écroit. Mais après, il a précisé qu'il a préparé un feu pour les injustes. Et donc, il faut faire attention à ça, à bien comprendre ces passages du Coran. Et voilà pour l'explication de cette sourate très importante, sourate Al-Kafiroun. Il est important, chers frères, qu'on récite et qu'on médite sur cette sourate, notamment nous qui vivons au milieu des polythéistes, au milieu des incroyants, afin qu'on cherche aussi à nous protéger nous-mêmes, à ne pas tomber dans toutes les ambiguïtés qu'il y a aujourd'hui. Vous pouvez le constater, comme maintenant on peut le voir, des gens qui viennent dans les mosquées avec des chants chrétiens, juifs, etc., etc. Énormément d'ambiguïtés sont propagées dans les rangs des croyants. Il faut qu'on apprenne, qu'on médite, qu'on cherche. C'est important. C'est très important. Donc on continue, inshallah ta'ala, vendredi avec l'explication de surat An-Nasr. Surat aussi très importante. Wa faqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa arda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.